Seigneur Jésus, sur la croix de Golgotha, tu as été châtié afin que je reçoive le pardon de Dieu. Tu es mort à ma place afin que je reçoive la vie Zoé. Tu t'es fait pauvre afin que je partage ton abondance. Tu as été maudit afin que je sois béni. Tu as été meurtri afin que je sois guéri. Tu as été rejeté par Dieu afin que je sois accepté par lui. Tu as porté ma honte afin que je partage ta gloire. Tu as été condamné afin que je sois justifié. Tu as donc effectué l'échange divin sur la croix par amour pour moi. Quelle grâce! Qui est comme toi, Seigneur? Tu as pris mon châtiment afin que je reçoive la rémission de mes péchés. Tu as connu ma mort afin de me communiquer ta vie, Zoé. Tu t'es fait pour afin que je sois libre. Merci, Seigneur, pour ton amour. Mes malédictions afin que je reçoive des bénédictions. Tu as été meurtri afin que je sois guéri. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu as été rejeté par le Père afin que je sois accepté par Dieu le Père. Tu as connu ma honte afin que j'expérimente la gloire de Dieu. Tu as été condamné afin que je sois justifié. Il n'y a plus de condamnation. Ma louange.